Poème 39. Épilogue des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Première partie. Le soleil, moins ardent, lui claire au ciel moins dense. Balancé par un vent automnal et berceur, les rosiers du jardin s'inclinent en cadence. L'atmosphère ambiante à des baisers de sœurs. La nature a quitté pour cette fois son trône de splendeur, d'ironie et de sérénité. Clémente, elle descend, par l'ampleur de l'air jaune, vers l'homme, son sujet pervers et révolté. Du pan de son manteau que l'abîme constelle, elle daigne essuyer les moiteurs de nos fronts. Et son âme éternelle et sa forme immortelle donnent calme et vigueur à nos cœurs mous et prompts. Le frais balancement des ramures chenues, l'horizon élargi plein de vagues chansons, tout jusqu'au vol joyeux des oiseaux et des nues, tout aujourd'hui console et délivre. Pensons. Deuxième partie. Donc, c'en est fait, ce livre est clos. Chères idées qui rayez mon ciel gris de vos ailes de feu, dont le vent caressait mes tempes obsédées, vous pouvez revoler de vers l'infini bleu. Et toi, vers qui tintais, et toi, rime sonore, et vous, rythme chanteur, et vous, délicieux souvenir, et vous, rêves, et vous encore, images qu'évoquaient mes désirs anxieux, il faut nous séparer, jusqu'au jour plus propice, où nous réunira l'art, notre maître. Adieu. Adieu, doux compagnon. Adieu, charmant complice. Vous pouvez revoler de vers l'infini bleu. Aussi bien, nous avons fourni notre carrière et le jeune étalon de notre bon plaisir. Tout affolé qu'il est de sa course première, a besoin d'un peu d'ombre et de quelques loisirs. Car toujours nous t'avons fixé, ô poésie, notre astre unique et notre unique passion, t'ayant seule pour guide et compagne choisie, mère, et nous méfiant de l'inspiration. Troisième partie. Ah, l'inspiration superbe et souveraine, l'égérie au regard lumineux et profond, le génium commode et l'erato soudaine, l'ange des vieux tableaux avec des ors au fond, la muse dont la voix est puissante sans doute, puisqu'elle fait d'un coup dans les premiers cerveaux, comme ces pissenlits dont s'émaille la route, pousser tout un jardin de poèmes nouveaux. La colombe, le Saint-Esprit, le Saint-Délire, les troubles opportuns, les transports complaisants, Gabriel et son luth, Apollon et sa lyre. Ah, l'inspiration, on l'invoque à 16 ans. Ce qu'il nous faut à nous, les suprêmes poètes, qui vénérons les dieux et qui n'y croyons pas, à nous, dont nul rayon n'auréola les têtes, dont nulle Béatrix n'a dirigé les pas. À nous qui ciselons les mots comme des coupes et qui faisons des vers émus très froidement. À nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupes harmonieux au bord des lacs et nous pâmant. Ce qu'il nous faut à nous, c'est, aux lueurs des lampes, la science conquise et le sommeil dompté. C'est le front dans les mains du vieux Faust des étampes. C'est l'obstination et c'est la volonté. C'est la volonté sainte, absolue, éternelle, cramponnée au projet comme un noble condor, au flanc fumant, de peur d'un buffle et d'un coup d'aile, emportant son trophée à travers les cieux d'or. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans trêve, c'est l'effort inouï, le combat non pareil. C'est la nuit, l'âpre nuit du travail, d'où se lève, lentement, lentement, l'œuvre,